Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. Bonjour, bienvenue dans Ça commence par nous. C'est parti pour une heure d'émission pendant laquelle on va vous présenter toutes les solutions concrètes pour construire un monde meilleur. Dans Ça commence par nous, on vous prouve chaque semaine que nous, les individus, nous avons un pouvoir énorme pour faire pencher la balance de notre côté, de celui qui nous intéresse. Et en plus, c'est bon pour l'environnement, mais ça permet aussi de faire des économies d'argent, de gagner du temps et d'être plus heureux. Aujourd'hui, on va vous parler d'électricité verte et j'ai un scoop pour vous. Non, le nucléaire n'est pas une énergie durable. Mais pas de panique, il existe aujourd'hui plein de solutions qui montrent qu'on peut faire autrement dans le domaine. Et oui, on va parler d'éolien, de solaire, de local aussi, et surtout de l'électricité la plus verte au monde, celle qu'on ne consomme pas. Parce qu'il faut le savoir, il existe plein de choses à faire pour réduire sa consommation d'électricité et la facture qui va avec. Et pour veiller à ce que je ne dise pas trop de bêtises, j'ai avec moi Hélène Dédény, la spécialiste du zéro déchet. Salut Hélène. Salut Julien. Et Mélanie de OneArt qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Salut Mélanie. Salut Julien. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission de Ça commence par nous. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. Aujourd'hui, dans Ça commence par nous, on va vous aider en matière d'électricité verte. Nous avons tous besoin d'énergie, que ce soit pour allumer nos maisons, les chauffer, faire tourner nos machines et de plus en plus pour faire rouler nos voitures et nos scooters. Mais l'électricité, elle vient d'où ? En France, plus des trois quarts de notre électricité est produite par des centrales nucléaires. Seulement voilà, entre les risques d'accidents et le retraitement des déchets radioactifs, on se rend de plus en plus compte que la solution est loin d'être parfaite. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On retourne au charbon ? Bien sûr que non, car il y a une énergie qui monte, c'est l'énergie renouvelable. L'hydraulique, l'éolien et le solaire représentent 10% environ aujourd'hui de la production et la France s'est donné l'objectif d'atteindre les 30% en 2030. Et il y a plein d'autres pays qui se bougent dans le domaine et qui montrent que c'est possible d'avoir une énergie quasi 100% renouvelable tout de suite. C'est le cas du Costa Rica qui vise les 99% d'énergie renouvelable cette année. Et plus près de chez nous, le Portugal a tenu 4 jours l'année dernière avec 100% d'électricité verte. Si, si, c'est possible. Et pour nous aider à décrypter tout ça, j'accueille notre premier invité, Benjamin Rougérol de l'Agence parisienne du climat. Bonjour Benjamin. Bonjour Julien. Alors, cette transition énergétique, Benjamin, est-elle vraiment envisageable ? Oui, bien sûr. Alors, il faut se donner les moyens pour réussir cette transition énergétique. Et ce qu'il faut voir tout d'abord, c'est que, comme tu l'as rappelé en introduction, il y a un contexte climatique et un contexte énergétique qui est assez fort. Donc, premièrement, on le sait tous aujourd'hui, le dérèglement du climat, c'est quelque chose de totalement prouvé et qui va nous conduire dans les années à venir à de potentielles catastrophes climatiques. On a vu cet été un certain nombre d'ouragans qui ont déferlé aux États-Unis, mais même très récemment, presque en Europe. Ophélia, hein, le fameux. Tout à fait, Ophélia, le fameux, qui a rendu le ciel rouge, nacre. Donc on a ce contexte climatique qui va potentiellement s'aggraver. Et ce qu'il faut voir aussi, de l'autre côté, c'est que la production d'énergie ne se fait pas toute seule. À la base, il y a des ressources, donc les ressources pétrolières qui s'amenuisent, l'exploitation des gaz de schiste qui pose des problèmes, les sables bitumineux, même problème. Et sur le nucléaire, premièrement, ce n'est pas une énergie renouvelable, comme tu l'as dit, puisque le combustible, l'uranium, vient bien de quelque part. Donc effectivement, un jour, il n'y en aura plus. Et ça pose des problèmes ensuite sur la gestion des déchets. Donc une fois le contexte posé, effectivement, il y a des choses que l'on peut faire. Donc l'État, aujourd'hui, l'État français, a piloté la COP21, tout le monde s'en souvient, pour essayer de mettre tout le monde d'accord autour de la table sur les politiques climatiques et engagées, collectivement. Mais également à des niveaux plus locaux, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment sur la ville de Paris, puisque l'Agence parisienne du climat a comme territoire d'action la ville de Paris, intramuros. Le nouveau plan climat de la ville de Paris, révisé, version 2017, va être voté en fin d'année et devrait conduire notamment à la neutralité carbone d'ici à 2050 et une production 100% renouvelable en 2050. Ça veut dire quoi concrètement, là, tout de suite, l'Agence parisienne du climat, qu'est-ce que vous faites ? Alors nous, l'Agence parisienne du climat, on a été créée en 2011. On est l'acteur opérationnel pour la transition de la ville de Paris et pour la mise en opération du plan climat de la ville. Donc nous, on est un peu l'acteur de terrain. Et notre quotidien se résume globalement en plusieurs points très précis. Premièrement, on accompagne les copropriétés dans leur rénovation énergétique. Alors pourquoi ? Parce que le parc privé, d'habitat privé à Paris, c'est une des causes numéro un d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il faut chauffer en hiver notamment, avec des chaudières collectives au fioul encore qui existent, ou au gaz, qui émettent beaucoup de CO2. Et donc c'est sur ce volet principal, l'isolation des logements, que l'on va agir pour réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre sur ce point-là. D'autant que nous, en France, on aime bien l'électricité, hein, et on chauffe énormément à l'électricité avec la folie du nucléaire, non ? Effectivement, il y a beaucoup de copropriétés qui sont construites notamment dans les années 70, qui sont équipées de radiateurs électriques, qui posent du coup des gros problèmes de consommation. Et donc on essaie vraiment de limiter la consommation en amont de cette énergie-là et des autres énergies comme le fioul, voire changer les chaudières, utiliser le chauffage urbain qui est aujourd'hui considéré renouvelable puisque 50% de l'énergie apportée par la CPCE est d'origine renouvelable avec la géothermie, l'incinération des déchets. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'Agence parisienne du climat, au-delà d'accompagner sur la rénovation énergétique, accompagne également à la maîtrise des consommations. Et là, on aura peut-être l'occasion plus tard d'en reparler un petit peu plus en détail avec le dispositif Famille Énergie Positive. Ouais, c'est ça. On en parlera tout à l'heure. Moi, ce que je retire quand même de ce que tu es en train de nous dire, c'est que la transition énergétique, ça passe aussi par réduire sa production, sa consommation d'énergie et de manière un peu macro avec le renforcement de l'isolation des logements. Oui, c'est ça. Alors en fait, dans ce cas-là, on peut voir que ça vient de deux côtés. Premièrement, de l'État et des collectivités territoriales qui donnent des objectifs et qui donnent aussi des moyens d'agir, des subventions, du financement pour la rénovation énergétique, pour le crédit d'impôt, etc. Mais de l'autre côté, on a aussi les citoyens qui, par en bas, portent des projets, font des propositions que les villes, les territoires acceptent et accompagnent dans la réalisation. Ouais, c'est vraiment un sujet multi-acteurs. Mais en tout cas, on est bien d'accord qu'on n'a pas besoin d'attendre 2030 pour agir à son niveau, parce que en fait, la transition énergétique, c'est ici et maintenant que ça se passe. Merci Benjamin, on te retrouve tout à l'heure pour parler d'éco-gest. Merci Julien. Et tout de suite, on se fait une petite pause musicale. Vous êtes bien dans l'émission Ça commence par nous. Après la pub, on retrouvera nos prochains invités pour continuer à parler d'électricité verte. Zachary viendra nous présenter Enercop, le fournisseur d'électricité 100% verte et made in France. Michel nous présentera le projet citoyen Electron 93. On retrouvera aussi Benjamin pour parler d'éco-geste et du défi famille à énergie positive. Et Cédric nous parlera du Solar Sound System qui permet d'écouter de la musique 100% écolo. À tout de suite. Allez. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. Retour dans l'émission Ça commence par nous. Ici, vous changez le monde avec nous. Et avec tous nos invités qui se bougent pour proposer des alternatives éco-responsables. C'est dorénavant tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Et aujourd'hui, on vous aide à comprendre ce qui se trame en matière d'électricité verte. Ça commence par moi. Ça commence par moi. On accueille Zachary Termination d'Enercop. Bonjour Zachary. Bonjour. Alors Enercop, qu'est-ce que c'est ? Enercop, c'est ce qu'on appelle un fournisseur d'électricité alternatif, donc un modeste concurrent du fournisseur historique EDF que tout le monde connaît. Notre particularité, elle est double. La première, c'est qu'on est 100% renouvelable, donc on ne fournit que de l'électricité renouvelable à nos clients. Et la seconde, c'est qu'on est organisé selon un réseau de coopératives. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, vous, moi, les salariés, les producteurs, les consommateurs d'électricité, peuvent prendre une part dans la coopérative, elle coûte aujourd'hui 100 €, et à l'Assemblée Générale, tout le monde décide des grandes orientations du fournisseur sur le principe de « une personne égale une voix », à l'inverse des sociétés traditionnelles qui fonctionnent sur le principe « une action égale une voix ». Donc votre voix compte autant que celle d'un gros actionnaire. Donc une entreprise qui est renouvelable à la fois sur le fond et sur la forme. Le paysage de l'électricité en France est un peu complexe. Est-ce que tu peux nous présenter ça très rapidement, s'il te plaît ? C'est assez complexe, en effet. Alors, très rapidement, on a aujourd'hui un paysage qui est issu du modèle français qui a été nationalisé. Donc, on avait, après la Seconde Guerre mondiale, je remonte un peu loin, désolé, un fournisseur unique, EDF, qui gérait le réseau, la production et la vente au client final. Ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, c'est que tout ce qui concerne la vente au client final, donc vous et moi, c'est libéralisé, c'est privatisé, et donc on a tout un tas d'acteurs qui se partagent le marché. Aujourd'hui, on doit avoir une trentaine de fournisseurs sur le marché de la vente aux clients. Donc ça, c'est la première particularité. Mais la seconde particularité, c'est qu'en fait, la gestion du réseau, donc les câbles concrètement qui acheminent l'électricité, est encore gérée par les entreprises Enedis et RTE, qui sont, elles, des monopoles publics. Donc voilà, tous ces fournisseurs doivent dépendre d'une certaine manière. Mais ça, finalement, ça ne nous regarde pas tant que ça, non ? Ça ne nous regarde pas tant que ça, non, effectivement. On peut faire le choix de s'approvisionner auprès de toute une série de fournisseurs qui ont aujourd'hui des offres d'électricité différentes, c'est-à-dire qu'elles vont acheter leur énergie à des producteurs différents. Alors parlons-en justement de tous ces fournisseurs. Moi, je suis allé il y a un an, quand j'ai eu mon appart, chercher comment avoir une électricité verte et j'ai vu... plein de fournisseurs qui parlent d'électricité verte. Alors pourquoi du coup l'électricité d'Enercop elle est plus verte que celle d'Engie, que celle de Direct Energy et compagnie ? Alors l'électricité en elle-même c'est la même, celle qui sort du câble c'est de toute façon une électricité d'excellente qualité quoi qu'il arrive, quel que soit votre fournisseur. En revanche, ce qui va changer c'est la manière dont nous Enercop ou tout autre fournisseur va constituer son approvisionnement, c'est-à-dire avec qui on va signer des contrats pour injecter cette électricité-là sur le réseau. Donc notre particularité à nous, Enercop, c'est que nous, on va en direct voir les producteurs, donc on les appelle, on va les voir, et on signe des contrats avec eux pour qu'eux injectent pour nous, pour Enercop, l'électricité issue de leur centrale hydraulique, de leur parc éolien, sur le réseau pour nous, et ensuite, nous, on livre cette électricité en quelque sorte aux clients. Des producteurs qui sont situés dans le monde entier ? Non, uniquement en France, voilà, uniquement sur le territoire français. Donc on a pas mal dans les Pyrénées ou dans les Alpes pour ce qui va concerner nos centrales hydroélectriques, et puis un peu partout en France, en Bretagne, dans le Nord, en Pays de la Loire, en PACA. Alors que c'est pas forcément le cas de tous les fournisseurs, c'est ça ? C'est pas forcément le cas de tous les fournisseurs. Donc aujourd'hui, pour construire ce qu'on appelle une offre verte, donc une offre 100% renouvelable, en fait vous n'avez pas nécessairement besoin de faire ce que je viens de décrire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de signer des contrats d'achat d'énergie avec des producteurs d'énergie renouvelable. Vous devez simplement acheter un certain nombre de certificats qu'on appelle les garanties d'origine. Donc c'est un système qui est européen, en fait, et donc en fait on pourrait même acheter ces certificats en provenance de Norvège, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, quand bien même il n'y aurait pas de câble qui irait en Norvège ou jusqu'en Allemagne. Et donc le problème de ce système-là, c'est qu'en fait ces certificats ne valent pas grand-chose. Et donc, en fait, quand vous achetez un certificat d'énergie verte, une garantie d'origine, vous ne contribuez pas vraiment à rémunérer une production d'énergie renouvelable. Alors qu'avec Enercoop, on s'engage, du coup, on a la certitude d'avoir une production qui est 100% renouvelable. Hein. On parle quand même d'énergie qui sont là, présents en permanence grâce au fonctionnement de notre planète. Et en France, tout est localisé ici sur le territoire. Oui, tout est ici sur le territoire français. Et oui, on a la certitude que sur la facture d'électricité que je vais donner du coup à Enercoop, on a une grande part de cette facture qui va bien rémunérer un producteur d'énergie renouvelable local, indépendant, voilà, qui ne dépend pas des grands groupes. De manière décente, du coup. Pardon ? De manière décente. Voilà, de manière décente, qui permet en fait de la pérennité de ces installations-là. On soutient réellement la filière. Et donc, du coup, la question que tout le monde se pose, c'est une énergie verte 100% française, ça doit coûter hyper cher. Ça coûte un tout petit peu plus cher. Ça ne coûte pas hyper cher. En fait, on donne le chiffre de 15 à 20% de plus que le tarif EDF de base. Mais ce qui, finalement, en valeur absolue, ne donne pas une différence énorme. En fait, si vous payez 30 euros aujourd'hui chez EDF, vous allez payer environ 38 euros chez Enercoop. Donc, c'est le prix de bière ou d'un paquet de cigarettes aujourd'hui. Voilà, c'est ça, un paquet de cigarettes tous les mois en moins pour avoir une électricité 100% verte. Moi, j'avoue que j'ai du coup une électricité qui vient chez vous, d'Enercoop, et j'ai mis en place toute une série d'éco-gestes, mais du coup, qui m'ont permis de faire baisser la facture et finalement de l'équilibrer comme si j'étais, on va dire, chez un fournisseur un peu plus grand, comme on les connaît d'habitude, avec, pour moi, la satisfaction d'avoir une énergie produite par Enercoop. Merci Zachary. On parlera tout à l'heure d'éco-gestes avec Benjamin, on y reviendra. Et si vous, de votre côté, vous voulez avoir plus d'informations sur Enercoop, sachez que pour passer à une énergie 100% verte, c'est pas très compliqué. Moi, je l'ai fait, c'est quelques clics sur Internet seulement. Et vous aurez plus d'informations sur leur site www.enercoop.fr où on vous donnera aussi toutes les informations sur le groupe Facebook « Ça commence par nous ». Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. On est toujours dans l'émission Ça commence par nous et c'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Et là, je suis avec Mélanie de OneArt qui va nous partager son bon plan. Salut Mélanie. Salut Julien, bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une association qui s'appelle Énergie Solidaire, qui est basée dans les Yvelines, en région parisienne. Alors cette association, comme l'indique son nom, elle lutte contre la précarité énergétique, mais aussi contre le réchauffement climatique. Et cette association, elle existe depuis longtemps ? Alors Énergie Solidaire a commencé à mettre en place un programme au Burkina Faso à la fin des années 90. Elle a mis en place un programme d'électrification solaire. Et au total, il y a eu une vingtaine de sites qui ont bénéficié de ces installations. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, l'association a étendu un peu son champ d'action. Donc, elle agit principalement dans les Yvelines, aux côtés des particuliers, des collectivités et des professionnels. Donc, si vous habitez dans le coin et que vous souhaitez simplement vous renseigner sur votre consommation énergétique ou même bénéficier de conseils de spécialistes, eh bien, Énergie Solidaire vous accompagne dans votre démarche. Et il y a quelques années, en fait, l'association a mis en place avec l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise d'Énergie, un espace Info Énergie dans le nord des Yvelines. Un espace info énergie, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, c'est gratuit, donc ça c'est chouette. Et des conseillers en fait sont là pour vous répondre, répondre à vos questions, vous aiguiller sur vos éventuels projets en matière d'énergie, vous renseigner sur tout ce qui est énergie renouvelable et même vous informer des gestes simples que vous pouvez adopter chez vous au quotidien pour réduire vos factures d'énergie. Et puis, comme on dit chez nous à OneArt, s'informer, c'est déjà agir. Et c'est uniquement dans les Yvelines ? Alors l'association Énergie Solidaire, elle est basée dans les Yvelines, mais ce service dont je vous parle, il est disponible dans toute la France. Donc je vous invite à vous rendre sur le site de l'ADEME et à découvrir le réseau national des espaces Info Énergie. C'est top ça. Ils font autre chose ou pas ? Aujourd'hui, on le sait, comme l'expliquaient nos invités, la part de la facture d'énergie est énorme. Alors comment faire des économies ? Énergie Solidaire a lancé un programme intitulé « Réduire ses factures d'énergie » en partenariat avec une ONG spécialisée dans l'éducation, Sicana. Des tutos vidéo hyper courts dans lesquels vous apprenez des gestes simples à mettre en place chez vous, comme par exemple comment faire des économies de chauffage. Bref, le programme est construit en 5 chapitres et les vidéos sont toutes accessibles sur le site internet. Et pour couronner le tout, chaque année, Énergie Solidaire met en place, va récompenser tous ceux qui auraient un logement à faible impact environnemental via le concours Maison Économe qu'elle a lancé. Ah oui ? Donc, si vous habitez dans les Yvelines et que vous êtes en train de construire ou que vous avez récemment effectué des rénovations de votre logement, eh bien, ce concours est fait pour vous. Et cette année, c'était un vélo électrique qui était à la clé, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, on ne sait jamais. Ça se trouve, c'est vous qui gagnerez la prochaine édition. Et voilà. Un mot pour finir, Mélanie, peut-être ? Jusqu'à fin octobre, l'ADEME organise la fête de l'énergie partout en France. Donc vous pouvez retrouver tout plein d'animations près de chez vous et l'association Énergie Solidaire également a tout plein d'événements super chouettes à découvrir courant novembre. Génial Mélanie, merci beaucoup. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. Ça commence effectivement par nous et nous, les citoyens, nous avons un énorme rôle à jouer dans cette transition énergétique. Pour vous donner un exemple, j'accueille Michel Vieille, pardon, à noter, on commence. Ça commence effectivement par nous et nous, les citoyens, nous avons un énorme rôle à jouer dans cette transition énergétique. Pour vous donner un exemple, j'accueille Michel Vial de l'association Electron Solaire 93. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Electron Solaire 93 ? Qu'est-ce qu'on fait ? Electron Solaire 93, c'est une association qui va préfigurer une coopérative de production d'énergie renouvelable. Qui sera en fait de l'énergie solaire. Après s'être posé beaucoup de questions, pourquoi pas faire, on est ici en ville, est-ce qu'on peut faire de l'éolien, est-ce qu'on peut faire de la méthanisation, de la géothermie, etc. On s'est vite rendu compte que ce qui était à la portée la plus facile pour une association de citoyens, c'est le solaire. Et encore, on s'aperçoit que ça n'est pas si facile que ça. Mais vous, Michel, vous êtes un spécialiste pour porter ce genre de projet ? Non, nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas forcément des spécialistes de la question. Moi, professionnellement, parce que je suis un tout jeune retraité, je travaillais effectivement dans la gestion de l'énergie sur un gros établissement public national. Mais d'autres dans l'association n'ont aucune connaissance par rapport à ces questions-là. Et une des premières choses qu'on a à faire, c'est d'ailleurs de les informer et de les former, parce qu'il y a beaucoup de gens se trompent ou ne comprennent pas tout, il faut expliquer. Ouais, la sensibilisation, c'est hyper important, hein. C'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui là, dans cette émission sur l'énergie verte, à Ça commence par nous. Concrètement, où est-ce que vous en êtes de votre projet ? Alors concrètement, où est-ce qu'on en est ? On a commencé il y a un an. À l'exemple d'un tas d'autres coopératives d'énergie citoyenne qui ont déjà, on en a déjà parlé précédemment dans l'émission, qui existent un petit peu partout à l'étranger et puis aussi depuis des années énormément en France et auxquelles Enercoop par exemple achète de l'électricité. Il y en a principalement plutôt dans le sud de la France, pour le solaire évidemment, mais pour de l'éolien, de la méthanisation, il y en a sur tout le territoire. Par exemple, un exemple récent, ça c'est l'éolienne de Bégane, où vous avez en Bretagne, vous avez des très belles photos avec 60 ou 100 citoyens qui font une belle photo de groupe devant l'éolienne qu'ils ont eux-mêmes financée. Bon, ce sont des très beaux projets. Ces projets se tiennent, une fois n'est pas coutume, ont commencé en province. Et beaucoup moins, plutôt à la campagne, on va dire, et beaucoup moins en secteur urbain. Donc le challenge pour nous, c'est de faire fonctionner ça en secteur urbain où les problèmes, le contexte n'est pas exactement le même. On a moins de place ? On a moins de place, on a plus de toits. Ah. On a beaucoup plus de toits à Paris ou dans une banlieue que dans un hameau de l'Ardèche. Et qu'est-ce qu'on en fait, ces toits, alors ? On est aussi beaucoup plus près des réseaux. Quand il s'agit de redistribuer le courant, il n'y a pas forcément des kilomètres de fil à tirer. Par contre, les solidarités locales fonctionnent peut-être plutôt moins bien. En général, plus on est dans des campagnes un peu isolées, un petit peu reculées, plus les solidarités peuvent fonctionner. On a un peu cet inconvénient-là en zone urbaine, mais on s'aperçoit aussi, à voir le nombre d'associations qui tournent sur tous nos créneaux, qu'il y a des grandes possibilités de faire aussi. Un dernier mot, Michel. Quelles sont les prochaines étapes de votre projet ? Les prochaines étapes, c'est d'arriver à poser des capteurs solaires, parce qu'on est quand même né pour ça. Et pour le moment, en l'espace d'un an, on n'y est pas arrivé. On pensait y arriver beaucoup plus vite. Nous sommes un petit peu coincés pour le moment par la tarification qui en l'espace d'un an a baissé considérablement, non seulement a baissé mais est devenue très complexe suivant la manière dont vous posez vos capteurs sur les toits. Les tarifs changent. On dirait que, je ne sais pas si c'est un hasard, que tout est fait pour dissuader, pour dissuader l'installation de capteurs et des pour dissuader le solaire de manière générale. Mais heureusement, les citoyens bougent, et c'est aussi grâce à ce mouvement qu'on va réussir à mettre un peu la pression sur les autorités. Je vous remercie, Michel, le temps passe. On vous retrouve tout à l'heure pour le débrief, et vous pourrez aussi retrouver plus d'informations sur Electron Solaire 93, sur le groupe Facebook, on va vous donner tout ça. Le groupe Facebook, ça commence par nous, et sur leur site, electron-solaire93.org. Merci. On parle d'électricité verte, mais tout à l'heure, je vous disais que la meilleure électricité pour l'environnement, c'est celle qu'on ne consomme pas. Hélène, notre spécialiste zéro déchet, nous parlera après la pause musicale d'éco-gestes pour diminuer considérablement sa consommation et sa facture par la même occasion. À tout de suite. Le son, sans nous. les meilleurs vinyles des 60s, des tubes historiques, histoire d'habiller le béton et la brique électrique. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. Des solutions concrètes pour construire un monde meilleur au quotidien, c'est ici que ça se passe, dans Ça commence par nous sur Rage. Alors Hélène, comment on fait pour réduire sa consommation d'électricité ? Oui, alors cette semaine, le petit point Zero Waste fera plus état de zéro gâchis que de zéro déchet, puisque effectivement, au point de vue individuel, on ne voit pas vraiment le déchet électrique en tant que tel. En revanche, effectivement, il y a énormément d'astuces anti-gâchis qu'on va pouvoir mettre en place au sein de son paradigme, donc Zero Waste. Par exemple, la box Internet. Saviez-vous que vous pouviez l'éteindre toutes les nuits, sans aucun souci, et la rallumer le lendemain? Ça vous prendra à peu près une minute pour que ça revienne, et c'est un énorme vecteur de consommation électrique. Moi, je fais ça déjà. Ah, ça c'est très bien, mais nous sommes très peu encore, donc je vous invite, vous, cette nuit, pensez à ça, à essayer d'éteindre votre box. Premièrement, vous aurez sans doute un sommeil beaucoup plus réparateur, puisque vous n'aurez plus les ondes Wi-Fi. Et bon, le lendemain matin, une minute, le temps que la box se remette en route, c'est faisable. Nous avons également le micro-ondes et la télé sur le même principe, mais aujourd'hui, je vais particulièrement vous parler d'un grand gâchis qui concerne la cuisson des aliments. En effet, souvent, quand vous allez cuire vos aliments, vous allez mettre trop d'eau ou alors un feu trop grand. Sachez que ça, c'est 30% d'énergie en plus, totalement gâchée, puisque si vous utilisez un surplus d'eau, c'est un surplus à faire bouillir. Et il existe aussi un geste très facile et très efficace qui est tout simplement mettre un couvercle sur la casserole pendant la cuisson. Et oui, ça aussi, c'est une économie brute de 30% de combustible, quel qu'il soit. Et si vous souhaitez maintenir un liquide à ébullition, ça peut permettre d'économiser jusqu'à 70% d'énergie, tout comme, vous savez, quand vous avez votre plaque à induction, vous pouvez l'éteindre une fois que votre aliment est dedans, et pendant 15 minutes, ça va continuer de cuire. C'est un peu le même principe que ce qu'on appelle la marmite norvégienne, où on peut porter à ébullition, par exemple, ses pâtes ou un petit pot-au-feu, et ensuite le transférer dans une petite caisse avec une couette, et ça va continuer de cuire tout doucement, mais avec une grande efficacité. Et enfin, je vais terminer sur deux petites dernières astuces. La première, ce serait d'utiliser un four solaire, bon, si vous êtes dehors. Sinon, dans votre four à l'intérieur, de mettre au moins plusieurs plats pour utiliser au maximum, optimiser la chaleur. Et sinon, tout simplement, de ne plus cuire. Eh oui, essayez de manger des aliments beaucoup plus crus, beaucoup plus énergétiques, sains, et de ne pas... toujours vouloir cuire absolument pour faire une ratatouille, par exemple. Vous pouvez très bien manger les légumes crus, ça vous apportera d'autant plus de nutriments. Donc plein de petits gestes qui peuvent du coup faciliter le quotidien, on peut mieux dormir, mais qui peuvent aussi faire des grandes, grandes économies. Mis bout à bout, j'avais lu ce chiffre comme quoi si on éteignait tous nos appareils en veille, on arriverait à économiser l'énergie produite par une centrale nucléaire. C'est assez énorme. On parle aussi des boutons multiprise on-off, hein, ces fameux multiprises, qui permettraient de faire jusqu'à 100 € d'économie sur la facture d'électricité si on installait ça dans toutes les pièces de la maison. On a Benjamin, qui est un spécialiste de tous ces sujets à l'Agence parisienne du climat. Toi, Benjamin, tu préconises d'autres gestes, peut-être ? Oui, alors, à l'Agence parisienne du climat, parmi nos actions que l'on a, au-delà de faire la rénovation énergétique des logements, c'est justement l'adaptation de l'usager, la compréhension de son logement et des équipements qui sont à l'intérieur. Donc, on a plusieurs actions et notamment des ateliers éco-gestes que l'on organise pour que chacun, chacune puisse venir et apprendre des choses sur sa consommation d'énergie et mieux la comprendre pour mieux la maîtriser. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir en faire un jeu et même un défi. Est-ce que tu peux nous parler du défi famille à énergie positive, s'il te plaît ? Oui, exactement. Alors, le dispositif famille à énergie positive, c'est un dispositif qui est national, donc qui a été importé en France en 2008 par l'association Prioritaire et qui est animé de façon locale par des territoires qui choisissent de bien vouloir porter le défi. Donc à Paris, c'est l'Agence parisienne du climat qui, pour le territoire Paris Intramuros, accompagne chaque année environ 150 foyers à la réduction des consommations d'énergie. Concrètement, on commence quand ? Alors concrètement, ça se passe sur 5 mois pendant la période de chauffe. Donc ça commence le 1er décembre, donc cette année, si vous avez envie de vous inscrire et de participer avec nous, dès le 1er décembre, vous pouvez participer et ça dure jusqu'au 30 avril. L'objectif est assez simple, c'est que votre foyer s'associe avec d'autres foyers que vous connaissez ou pas forcément. Ça peut être vos voisins, vos collègues de travail, des amis, de la famille. Vous constituez une équipe et nous, Agence Parisienne du Climat, on se donne comme mission de vous accompagner pendant ces 5 mois à faire des éco-gestes simples, à vous équiper avec des petits équipements économes pas chers et très très rentables, et à faire faire au minimum 8% d'économie d'énergie sur vos factures. Ça marche ? Oui, ça marche. Cette année encore, on a pu noter une moyenne de 12% d'économie d'énergie, donc on va au-delà de l'objectif annoncé, et on a des foyers qui peuvent atteindre jusqu'à 35% d'économie d'énergie, ce qui peut représenter, en tout cas, la moyenne nationale, c'est 200 € d'économie sur la facture à l'année. Donc ce n'est pas rien. Ah ouais, c'est énorme. Et on peut faire ça partout en France ou pas ? On peut faire ça presque partout en France. Pour savoir si votre territoire dispose d'un défi famille énergie positive, il suffit d'aller sur le site national défifamilleénergie.fr et de voir avec votre code postal s'il existe un défi autour de chez vous. Génial, c'est vraiment très concret. Merci Benjamin. Pour avoir plus d'infos, comme tu le disais, on peut se rendre sur le site familleaenergiepositive.fr et nous, on va redonner toutes ces informations sur le groupe Facebook. Ça commence par nous, auquel vous pouvez adhérer dès maintenant. Merci encore à vous. Et on vous retrouve tout à l'heure pour le débrief. À tout de suite pour continuer cette émission. Ça commence par nous sur l'électricité verte. Et justement, on s'écoute un titre en rapport avec notre sujet. C'est Cléa Vincent avec Électricité. Atteindre l'amplitude maximale de la forme d'une onde sinusoïdale, altérer le signal pour atteindre le point optimal. Nos rapports augmentent la fréquence, déjà tombée dans le piège de l'accoutumance, traversée de tensions. Jusqu'au lever du jour. êtes sur Ça commence par nous. Juste après, on découvre qu'on peut être écolo, même en faisant la fête, avec Cédric de Solar Sound System. À tout de suite. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. L'électricité verte, ce n'est pas que dans nos maisons et dans nos bureaux que ça se passe, mais aussi quand on part faire la fête. Et moi, je suis parti rencontrer Cédric Carl en plein festival qui nous présente Solar Sound System, un projet qui propose de faire la fête alimenté par des énergies renouvelables. Bonjour Cédric. Hello, salut. 3S, qu'est-ce que c'est ? 3S, c'est pas un serpent à sonnette qui siffle, c'est un Solar Sound System. C'est surtout un collectif composé d'antennes qui sont à Paris, Lausanne, Berlin, Tel Aviv, Pays Basque et d'autres qui vont s'ouvrir bientôt. C'est aussi une radio, c'est une web radio, radio3s.org, c'est une web radio hébergée à l'énergie solaire parce que on aime bien le soleil, on aime bien les énergies renouvelables dans le collectif Solar Sound System. Moi, je me balade à un festival, je vois des panneaux solaires, je vois des vélos, je comprends pas tout à fait ce qui se passe, tu m'expliques ? Alors c'est bien que tu comprennes pas ce qui se passe, parce que du coup tu vas pouvoir expérimenter la mécanique du truc. C'est que en gros, nous, ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait des systèmes complètement autonomes, et du coup... On s'est dit, voilà, on va tester l'autonomie, on va tester jusqu'où on peut aller. Du coup, on utilise bien sûr des panneaux solaires et on a hybridé le système parce qu'on utilise aussi des vélos sur lesquels le public pédale. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on a un peu des batteries pour faire tampon entre l'énergie solaire et les appareils qu'on utilise, mais on a surtout des vélos et les gens pédalent sur les vélos pour fournir une énergie complémentaire qui va pouvoir prendre le relais aussi pendant la nuit. C'est vraiment un souci écologique. Est-ce qu'il y a une part de sensibilisation, d'éducation peut-être ? Bon, déjà, en fait, ce projet il répondait à un besoin qu'on avait. On avait besoin de faire de la musique dans la rue à un moment donné. On a testé ça, ça a fonctionné. On a eu des réactions complètement motivées de la part de plein de DJ qui voulaient grimper dans le projet, nous aider, qui nous ont demandé quand est-ce qu'on remixait la prochaine fois, etc. Et puis, assez vite aussi, des retours sur ces questions environnementales. En fait, on s'est aperçu qu'on avait un outil didactique, grand public, qui était super touchant, quoi. Nous, l'idée, c'est qu'on dit qu'on aime faire vivre une expérience énergétique. C'est-à-dire que des panneaux solaires, ça reste des trucs à la télé, des trucs dans des bouquins, des trucs sur les toits que tu vois de loin. Là, en fait, tu vas voir... 1 mètre carré de panneau solaire, voire 2 mètres carrés de panneau solaire, tu vas avoir une sono qui t'envoie 2 fois 1000 watts audio dans la tronche, et tu vas te dire, ah ouais, on peut faire quelque chose avec pas grand chose en fait. Donc en fait, t'expérience, le fait que 1 mètre carré de panneau solaire, ça va produire 100, 150 watts, et le soleil t'envoie plus de 1000 watts par mètre carré. Et donc en fait, du coup, tu fais l'expérience que oui, les énergies renouvelables, en fait, c'est pas si lointain que ça. La lumière du soleil, elle nous fournit une grande énergie. Alors on exploite avec des panneaux solaires qui ont la technologie qui n'est pas si développée que ça. Et quand le solaire c'est plus suffisant, qu'il fait nuit et que les batteries commencent à se vider, donc il y a les vélos, hein, c'est ça ? Ouais, alors nous on gère aussi, parce qu'il faut gérer aussi son stock énergétique comme ses ressources sur la planète. Donc nous on n'attend pas de ne plus avoir d'énergie pour se dire tiens, faudrait pédaler. On surveille constamment le stock qu'on a, la vitesse à laquelle on consomme, et en fonction de ça on invite plus ou moins de manière insistante les gens à pédaler, et des fois on pédale même nous-mêmes parce que bon, c'est aussi bon pour la santé, tu vois. Mettons qu'on arrive au bout des batteries, ouais. Il est 2h du mat, on a envoyé du feu de Dieu depuis 14h, voilà, bon là il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de soleil, avec 2-3 vélos tu peux assumer toute la sono qu'on fait. Donc alors bien sûr, on ne va pas allumer des lumières inutiles, on ne va pas brancher de grille-pain, on ne va pas brancher de radiateur électrique, on ne va pas mettre des spots halogènes, on va faire le strict minimum, mais on va faire la teuf avec un son qui est super puissant et qui peut aller jusqu'au bout de la nuit. Ok. Et donc le mouvement, il est international, il y a d'autres villes là qui vont prendre ? Ouais, alors il y a des gens qui ne savent pas en venant au fait ce que c'est, mais il y en a plein d'autres qui savent et qui viennent et qui savent ce que c'est. Et qui soutiennent aussi, et ouais, comme je disais tout à l'heure, on a plein d'antennes, on est en train d'ouvrir des antennes, on a ouvert Berlin, Tel Aviv, Pays Basque, on a Lausanne, Paris, Et puis il y en a d'autres qui sont sur le feu, quoi. Comment on fait pour trouver les prochains événements? Où est-ce qu'on va pour en savoir plus sur le 3S? Bah, c'est tout simple, on a solarsoundsystem.org, on a le Facebook solarsoundsystem 3S, on a la radio radio3s.org. Et avec tout ça, en fait, on a vraiment de quoi faire sur Paris et sur Berlin, sur Pays Basque et sur Tel Aviv aussi, ouais. Et sur Marseille aussi, ouais. Merci. Merci à vous et ça commence par nous, quoi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. De retour sur le plateau de l'émission Ça commence par nous, on a encore du pain sur la planche et on profite d'avoir nos invités pour continuer à discuter d'actions concrètes pour passer à une électricité 100% responsable dès aujourd'hui. Moi, ma première question, c'est de me dire, est-ce qu'on doit forcément attendre que ça vienne du gouvernement pour faire bouger les choses? Par exemple, Enercop, est-ce que vous êtes là, prêt, demain, à recevoir 70 millions de clients? 70 millions? Alors déjà, on parle plutôt de 35 millions de compteurs d'électricité en France. Est-ce qu'on est prêt dès demain? Je ne sais pas, ça pourrait éventuellement se faire. Après, de manière raisonnable, ce serait peut-être un petit peu compliqué. Combien de clients il y a actuellement environ? Aujourd'hui, on est 50 000 clients. On a passé ce cap il n'y a pas très longtemps. Donc, on a 45 000 particuliers, 5 000 clients professionnels ou même des collectivités. Mais voilà, on a un objectif d'atteindre 150 000 clients en 2020. Et on se développe très rapidement. Et donc, a priori, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça qui est intéressant à noter. Hein. Ce n'est pas tant le nombre de clients, mais c'est l'essor formidable que vous êtes en train de connaître, en fait. Mm. Oui, c'est ça. Là, l'année dernière, on était à peine à 35 000 clients, donc on a une croissance très rapide. C'est, visiblement, ça séduit pas mal de monde. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on était plus cher avant qu'on ait aujourd'hui. Donc on n'augmente pas nos tarifs aujourd'hui, tandis que chez d'autres fournisseurs, vous pouvez avoir une augmentation progressive, certes, mais continue. Tu nous donnes un exemple, Zachary, s'il te plaît, de la baisse des prix? Alors, on ne baisse pas les prix, ils sont stables. Mais voilà, il y a 10 ans, quand on s'est lancé, on était vraiment 35% au-dessus du tarif EDF standard. Aujourd'hui, on est plus que 15 ou 20% plus cher. Donc, on peut envisager que d'ici quelques années, en fait, on soit au même prix à peu près. Parce qu'économiquement aussi, de plus en plus d'électricité verte, de plus en plus d'avancées technologiques sur ce genre de technologie, de matériel, ça provoque aussi mathématiquement une baisse des prix, non? Oui, ouais, on constate vraiment une baisse des coûts de l'énergie renouvelable aujourd'hui. Bon, elle a encore besoin aujourd'hui de subventions, d'aides publiques pour se développer, mais on entrevoit dans vraiment quelques années un arrêt de cette subvention parce qu'on sera à un niveau où les énergies renouvelables n'en auront plus besoin. Voilà. Et ça, si on commence à baisser les coûts de l'électricité verte, ça va forcément intéresser les gens. Toi, Benjamin, qui travaille à l'Agence parisienne du climat, tu ressens cet intérêt croissant des gens? Oui, c'est sûr, puisque à côté de l'argument de la lutte contre le dérèglement climatique, il y a aussi l'argument financier. Et lorsque l'on parle aux gens et qu'on leur met, on leur donne les chiffres de Famille Énergie Positive, par exemple, en disant que 8% de consommation d'énergie en moins, ça peut représenter jusqu'à 200 euros sur les factures d'économie d'énergie, enfin sur les factures d'énergie. Ça ne tombe pas dans l'oreille des sourds. 200 euros, ce n'est pas rien, c'est important pour des ménages, surtout quand ces ménages sont en précarité, habitent à Paris, en zone urbaine dense, où ce n'est pas forcément évident de finir les fins de mois. Donc effectivement, l'argument financier, que ce soit pour les ménages en particulier ou même à l'échelle de la copropriété, les économies d'énergie, par la rénovation et par le bon usage, sont un des arguments principaux que les personnes entendent. Et ce phénomène aussi de l'énergie renouvelable, j'ai l'impression qu'il est en train de retisser un peu du lien social. Michel, tout à l'heure, tu nous parlais de toutes ces actions citoyennes qui se font de partout en France. Est-ce que vous échangez, vous, entre vous? Oui, complètement. Sur la région parisienne et en l'espace d'un an, on est une bonne dizaine d'associations qui ont le même but que nous. Et on travaille, on est coaché, si je puis dire, par Énergie Partagée, qui est bien connue d'Enercop, également. Voilà. Et on est énormément sollicité. Notre association, qui pour le moment n'a pas posé un mètre carré de capteur solaire, qui est sur les Lilas, près Saint-Gervais, Bagnolet, mais nous sommes sollicités sur Montreuil, sur Romainville et des villes, des personnes aux alentours qui sont dans les starting blocks et à qui on dit calmons-nous parce qu'on attend d'arriver à faire des choses plus concrètes. Donc l'intérêt, il est là, quoi. L'intérêt est vraiment là. Et dans toutes ces associations qui sont autour de nous, On voit qu'il y a des, on voit qu'il y a des très bonnes compétences à tout niveau, au juridique, au technique, et une très grande motivation. Mélanie, tu voulais réagir ? Oui, moi j'avais juste une question à Zachary d'Enercop. Quelqu'un qui souhaiterait passer à Enercop, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'il y a beaucoup de paperasse ? Enfin, comment ça se passe concrètement ? Pose ta question autrement, Mélanie. C'est toi qui veux passer à Enercop et comment on doit faire ? C'est ça en fait. Bah, c'est super simple. Il suffit d'aller sur notre site, donc enercop.fr, et de se munir de sa dernière facture d'électricité, sur laquelle vous trouverez un numéro qui s'appelle le point de livraison. Et de votre RIB, et ça prend 2 minutes. C'est beaucoup plus simple que changer d'opérateur de téléphonie mobile, par exemple. Voilà, donc si vous avez un petit peu de mal, il suffit d'appeler notre service client qui pourra aussi vous guider. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement léger et sans aucune paperasse. Moi, je l'ai fait, je confirme, ça m'a vraiment pris 2 minutes. Toi, Hélène, tu l'as fait aussi, ça ? Moi, je l'ai fait, effectivement. Je suis passée chez Enercop. Il y a de ça 6 mois à peu près. Et j'avais une question pour vous trois. Est-ce que vous savez si en France on vend, et j'en ai encore jamais trouvé, les petits interrupteurs de prise électrique qu'on peut trouver dans certains pays à l'étranger, où en fait, plutôt que d'avoir la multiprise avec le on-off, on a directement sur le côté de la prise électrique un on-off qu'on peut activer, désactiver tous les soirs. Et une ça, prise je... sur une prise seulement, cette fois on a juste le bouton on-off en plus. Exactement. Et on n'est pas obligé d'avoir l'énorme multiprise, c'est ça que tu veux dire. Ou de retirer, voilà, je sais que beaucoup de personnes, à chaque fois que je leur parle justement de ces éco-gestes, de pouvoir retirer tous ces appareils en veille le soir, me disent oui mais bon c'est contraignant de retirer du mur, de remettre, alors qu'on aurait ce petit interrupteur que j'ai déjà vu dans plusieurs pays en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, et en Nouvelle-Zélande je crois, mais je ne sais pas si ça existe en Europe. Alors, je pense que ça existe en Europe, effectivement. Moi, je n'en ai jamais vu, mais ça n'empêche pas d'aller faire une petite recherche sur Internet ou un petit peu partout. En fait, ça revient un petit peu à la même chose que les multiprises avec les interrupteurs on-off. Donc, effectivement, le but, c'est vraiment de couper l'ensemble des appareils qui sont sur la prise murale. Je pense que ça peut se trouver. Et de toute façon, il y a aujourd'hui sur le marché énormément de petits équipements comme ça qui existent pour faire des éco-gestes ou plutôt pour diminuer la consommation de façon totalement naturelle et autonome. Comme les mousseurs, par exemple, que l'on met dans les robinets, qui permettent de réduire la consommation de 30 à 50% par robinet, donc c'est pas rien. Donc c'est tout un ensemble de petites choses comme ça qui vont venir compléter notre vie quotidienne et les gestes que l'on peut avoir et qui vont nous aider à faire des vraies économies d'énergie. Mais souvent, on parle de petits outils qu'on doit rajouter pour nous aider à faire à prendre ces bonnes habitudes. Il y a en fait la vraie question de changer aussi nos fonctionnements internes dans la manière de gérer nos ressources, non ? Oui, effectivement. Là, ça, dans ce cas-là, c'est plutôt des petits coups de pouce qui vont aider les personnes qui auraient peut-être plus de difficultés à débrancher tous les soirs l'ensemble de leurs prises. Moi, je sais que je le fais, mais il y a des personnes qui ne veulent pas prendre cette peine et qui préfèrent avoir simplement un interrupteur on-off. Et elles ont vraiment la certitude que tout est coupé dans le logement. Ok. Dernière question, Benjamin. Si là, les gens, après avoir écouté l'émission, ils devaient mettre en place un éco-geste qui vraiment ferait la différence, qu'est-ce que ça serait ? C'est difficile parce qu'on a pas mal d'éco-gestes qui touchent au chauffage ou à la production d'eau chaude. Donc dans ce cas-là, ça va dépendre vraiment de comment est la production dans le logement. Il y a un éco-geste, moi, que j'aime bien, qui est assez parlant, c'est le givre dans le congélateur. Il faut savoir qu'au-delà de 3 mm, 5 mm de givre, on augmente la consommation de plus de 30%. Et à partir d'un centimètre de givre, on est à plus de 50% de consommation en plus sur le réfrigérateur. Donc c'est vraiment un point très important. On n'y pense pas, c'est quelque chose de caché parce qu'on ne le voit pas forcément, on n'y pense pas, on se dit que dans le congélateur il y a de la glace, c'est normal, mais ben non, pas forcément. Et ben voilà, merci Benjamin, un conseil pour nous tous, on va aller regarder nos frigos. Alors bien sûr, on ne va pas dégivrer avec un énorme couteau histoire de ne pas percer non plus le congélateur, mais c'est effectivement un bon geste qu'on peut mettre en place parce que effectivement la transition énergétique, c'est maintenant que ça se joue. On peut passer chez un fournisseur d'électricité qui va nous fournir une électricité 100% verte. On peut adopter des éco-gestes pour économiser de l'énergie. On peut même carrément produire notre propre électricité. Ce dont on se rend compte finalement, c'est qu'on peut être acteur d'un paysage énergétique respectueux de la planète. Merci à tous nos invités pour leurs interventions de qualité. Benjamin Rougerolle de l'Agence parisienne du climat, merci. Merci à Zachary Termination d'Enercop. Merci. Merci à Michel Electron Solaire 93. Merci. Et Merci à Cédric Carl de Solar Sound System qu'on a écouté tout à l'heure. Je remercie également mes coéquipières de choc, Anne-Sophie de One Art pour son bon plan. Et Hélène... Ah, et j'ai dit Anne-Sophie. Mince. On recommence un tout petit juste avant la phrase, pardon. Je remercie également Mélanie de One Art pour son bon plan. Merci Julien. Et Hélène Dédény pour son focus zéro déchet. Merci Julien. Enfin, merci à Lambert à la technique et Fabrice, notre producteur. La semaine prochaine, on va parler de tourisme durable. Et on veut votre avis. Si vous avez des expériences de couchsurfing ou de woofing, écrivez-nous par email à ça-commence-par-nous@rage.fr ou directement sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Maintenant, c'est à nous de jouer. Nous avons tous le pouvoir de changer le monde et chaque jour compte. À la semaine prochaine, samedi 13h.